pouvant réprimer les élans de la foi, leur impuissante rage a frappé ton prophète. Seigneur, ta volonté soit faite, je me repose en toi. Adieu donc, vains objets qui nous charment sur terre. Salut, salut, premier rayon de l'immortalité. L'infini m'appelle et m'éclaire. Je meurs pour la justice et pour la liberté. Je ne regrette rien de ma prison d'argile. Fuyant l'humanité, je vais calme et tranquille. Qui m'apprise, souvenir qui m'apprise. Toujours je songe à cet enfant. Seigneur, si je suis ton fils, je suis.